Mais cependant, on peut les montrer à un confesseur. Et vous le savez, j'ai reçu les ordres. Monseigneur, dit Athos avec un calme d'autant plus terrible qu'il jouait sa tête en faisant cette réponse, la lettre est d'une femme, mais elle n'est signée ni Marion de Lorme, ni Madame d'Aiguillon. Le cardinal devint pâle comme la mort. Un éclair fauve sortit de ses yeux. Il jugea que la partie serait d'autant moins égale qu'Athos et ses compagnons conspiraient réellement. Et par un de ces retours rapides qu'il tenait toujours à sa disposition, toute sa colère se fondit dans un sourire. « Allons, allons, dit-il. Vous êtes de braves jeunes gens, fiers au soleil, fidèles dans l'obscurité. Achevez vos bouteilles, votre partie et votre lettre. Adieu, messieurs. » Et remontant sur son cheval, il les salua de la main et s'éloigna. Les quatre jeunes gens, debout et immobiles, le suivirent des yeux sans dire un seul mot jusqu'à ce qu'il eût disparu. Puis ils se regardèrent. Tous avaient la figure consternée. « Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je vous admire. Mais cependant, nous étions dans notre tort, après tout. »« Comment dans notre tort ? Reprit Athos. À qui donc cet air que nous respirons ? Sur mon honneur, cet homme se figure que le monde lui appartient ? Vous étiez là, balbutiant, stupéfait, anéanti. Cette lettre, c'est votre jeu. Pourquoi montreriez-vous votre jeu à votre adversaire ? Cela ne se fait pas. Qu'il le devine, à la bonne heure. Nous devinons bien le sien, nous. Qu'il ne soit plus question de ce qui vient de se passer. » Et qu'Aramis reprenne la lettre de sa cousine où M. le cardinal l'a interrompue. Aramis tira la lettre de sa poche. Les trois amis se rapprochèrent de lui. « Volontiers, dit Aramis. Mon cher cousin, je crois bien que je me déciderai à partir pour Stenay, où ma sœur a fait entrer notre petite servante dans le couvent des Carmélites. Cette pauvre enfant s'est résignée. Tout ce qu'elle désire, c'est une lettre de son prétendu. Ma sœur vous remercie de votre bon et éternel souvenir. » Elle a eu un instant de grande inquiétude, mais enfin elle est quelque peu rassurée maintenant, ayant envoyé son commis là-bas afin qu'il ne s'y passe rien d'imprévu. Adieu, mon cher cousin, donnez-nous de vos nouvelles. Je vous embrasse, Marie Michon. Oh, que ne vous dois-je pas, Aramis, s'écria d'Artagnan. Chère Constance, j'ai donc enfin de ces nouvelles, elle vit. Pendant ce temps, son éminence continuait sa promenade mélancolique en murmurant entre ses moustaches « Décidément, il faut que ces quatre hommes soient à moi. » Chapitre 52. Journée de captivité. Revenons à Milady, qu'un regard jeté sur les côtes de France nous a fait perdre de vue un instant. Nous la retrouverons dans la position désespérée où nous l'avons laissée. Pour la première fois, elle doute. Pour la première fois, elle craint. D'Artagnan a détourné de Buckingham, qu'elle est, comme elle est, tout ce qu'elle a aimé, la tempête dont le menaçait Richelieu dans la personne de la reine. D'Artagnan s'est fait passer pour de Wardes. D'Artagnan connaît ce terrible secret qu'elle a juré que nul ne connaîtrait sans mourir. Et c'est D'Artagnan qui la tient prisonnière et qui va l'envoyer dans quelque immonde Botany Bay, dans quelque Tyburn infâme de l'océan Indien. Lui seul a pu transmettre à Lord de Winter tous ses affreux secrets, qu'il a découverts les uns après les autres par une sorte de fatalité. Il connaît son beau-frère, il lui aura écrit. Que de haine, elle dit-il. Mais peu à peu, elle a surmonté les éclats de sa folle colère. Les frémissements nerveux qui ont agité son corps ont disparu, et maintenant elle s'est repliée sur elle-même comme un serpent fatigué qui se repose. Allons, allons. « J'étais folle de m'emporter ainsi, dit-elle. Luttons en femme. Ma force est dans ma faiblesse. » Et Milady se coucha et s'endormit, le sourire aux lèvres. Quelqu'un qui l'eût vue dormant eût dit une jeune fille rêvant à la couronne de fleurs qu'elle devait mettre sur son front à la prochaine fête. Milady rêvait qu'elle tenait enfin d'Artagnan, qu'elle assistait à son supplice, et c'était la vue de son sang odieux coulant sur la hache du bourreau qui dessinait ce charmant sourire sur les lèvres. Elle dormait comme dort un prisonnier bercé par sa première espérance. Le lendemain, lorsqu'on entra dans sa chambre, elle était encore au lit. Felton était dans le corridor. Il amenait la femme dont il avait parlé la veille et qui venait d'arriver. Cette femme entra et s'approcha du lit de Milady en lui offrant ses services. « J'ai la fièvre, dit-elle. Je n'ai pas dormi un seul instant pendant toute cette longue nuit. Je souffre horriblement. » Il est ému, pensa Milady. « Cependant, madame, dit Felton. Si vous souffrez réellement, on enverra chercher un médecin. Et si vous me trompez, eh bien ce sera tant pis pour vous, mais du moins de notre côté, nous n'aurons rien à nous reprocher. » Milady ne répondit point, mais renversant sa belle tête sur son oreiller, elle fondit en larmes et éclata en sanglots. Felton resta le dernier. Il tenait un livre à la main. Milady, couchée dans un fauteuil près de la cheminée, belle, pâle et résignée, ressemblait à une vierge sainte attendant le martyre. Felton s'approcha d'elle et dit « Lord de Winter, qui est catholique comme vous, madame, a pensé que la privation des rites et des cérémonies de votre religion peut vous être pénible. Il consent donc à ce que vous lisiez chaque jour l'ordinaire de votre messe, et voici un livre qui en contient le rituel. » Ces deux mots, « votre messe » et un simple coup d'œil jeté sur Felton lui avaient en effet révélé toute l'importance de la réponse qu'elle allait faire. « Moi, » dit-elle avec un accent de dédain monté à l'unisson de celui qu'elle avait remarqué dans la voix du jeune officier, « moi, monsieur, ma messe ? Lord de Winter, le catholique corrompu, sait bien que je ne suis pas de sa religion. C'est un piège qu'il veut me tendre. » « Et de quelle religion êtes-vous donc, madame ?» demanda Felton avec un étonnement que, malgré son empire sur lui-même, il ne put cacher entièrement. « Je le dirai, » s'écria Milady avec une exaltation feinte, « le jour où j'aurai assez souffert pour ma foi. » Le regard de Felton découvrit à Milady toute l'étendue de l'espace qu'elle venait de s'ouvrir par cette seule parole. Cependant, le jeune officier demeura muet et immobile. Son regard seul avait parlé. « Je suis aux mains de mes ennemis, » continua-t-elle avec ce ton d'enthousiasme qu'elle savait familier aux puritains. « Eh bien que mon Dieu me sauve ou que je périsse pour mon Dieu. Voilà la réponse que je vous prie de faire à Lord de Winter. » Felton ne répondit rien, prit le livre avec le même sentiment de répugnance qu'il avait déjà manifesté et se retira pensif. Le silence se rétablit, 2 heures s'écoulèrent. On apporta le souper. Et l'on trouva Milady occupée à faire tout haut ses prières, prières qu'elle avait apprises d'un vieux serviteur de son second mari, puritain des plus austères. Elle semblait en extase et ne parut pas même faire attention à ce qui se passait autour d'elle. Felton fit signe qu'on ne la dérangea point, et lorsque tout fut en état, il sortit sans bruit avec les soldats. Alors elle continua son chant avec une ferveur et un sentiment inexprimables. Il lui sembla que les sons se répandaient au loin sous les voûtes et allaient comme un charme magique adoucir le cœur de ses geôliers. Felton crut entendre chanter l'ange qui consolait les 3 Hébreux dans la fournaise. Il ouvrit brusquement la porte et Milady le vit apparaître pâle comme toujours, mais les yeux ardents et presque égarés. « Pourquoi chantez-vous ainsi ? » dit-il, « et avec une pareille voix ?» Felton, sentant qu'il ne pourrait pas conserver longtemps sa sévérité à l'égard de la prisonnière, s'élança hors de son appartement. Felton était venu, mais il y avait encore un pas à faire. Il fallait plus encore, il fallait le faire parler afin de lui parler aussi, car Milady le savait bien, sa plus grande séduction était dans sa voix, qui parcourait si habilement toute la gamme des tons, depuis la parole humaine jusqu'au langage céleste. Vers midi, Lord de Winter entra. « Ah ah !» dit Lord de Winter, « après avoir fait de la comédie, après avoir fait de la tragédie, voilà que nous faisons de la mélancolie. » Milady joignit les mains, élevant ses beaux yeux vers le ciel. « Seigneur, Seigneur, » dit-elle avec une angélique suavité de gestes et d'intonation, « pardonnez à cet homme comme je lui pardonne moi-même. »« Oui, prie, maudite !» s'écria le baron. Ta prière est d'autant plus généreuse que tu es, je te le jure, au pouvoir d'un homme qui ne pardonnera pas. » Et il sortit. Au moment où il sortait, un regard perçant glissa par la porte entrebâillée. Et elle aperçut Felton qui se rangeait rapidement pour n'être pas vu d'elle. Elle se jeta à genoux et se mit à prier. Alors seulement elle finit d'entendre le bruit des pas de Felton, et se relevant rapide comme la pensée, elle rougit comme si elle eût été honteuse d'avoir été surprise à genoux. « Je n'aime point à déranger ceux qui prient, madame, » dit gravement Felton. « Ne vous dérangez donc pas pour moi, je vous en conjure. » « Vous ignorez les desseins de Lord de Winter sur moi ?»« Je les ignore. » »« Impossible. » Vous, son confident?

Prisonnière, vous ne recouvrerez pas par moi la liberté. Vivante, vous ne perdrez pas par moi la vie. » Milady vit le trouble. Elle sentait par intuition la flamme des passions opposées qui brûlaient avec le sang dans les veines du jeune fanatique. Elle se leva, belle comme une prêtresse antique, inspirée comme une vierge chrétienne. Felton s'arrêta et comme pétrifié. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » s'écria-t-il en joignant les mains. « Êtes-vous une envoyée de Dieu ? Êtes-vous un ministre des enfers ? Êtes-vous un ange ? Êtes-vous ange ou démon ? Ne m'as-tu pas reconnu, Felton ? Je ne suis ni un ange ni un démon. Je suis une fille de la terre. Je suis une sœur de ta croyance. Voilà tout. » « Oui. Oui, dit Felton, je doutais encore, mais maintenant je crois. Mais alors parlez, parlez donc. Vous confiez ma honte ? » s'écria Milady. « Oh, jamais. Jamais je ne pourrai. À moi, à un frère !» s'écria Felton. Milady le regarda longtemps avec une expression que le jeune officier prit pour du doute et qui cependant n'était que de l'observation et surtout la volonté de fasciner. « Felton, dit Milady avec une solennité pleine de mélancolie, Felton, si votre sœur, la fille de votre père, vous disait « Jeune encore, assez belle par malheur, on m'a fait tomber dans un piège, j'ai résisté. On a blasphémé la religion que je sers, le Dieu que j'adore, parce que j'appelais à mon secours ce Dieu et cette religion. J'ai résisté. Alors on m'a prodigué les outrages, et comme on ne pouvait perdre mon âme, on a voulu à tout jamais flétrir mon corps. Enfin... » Milady s'arrêta, et un sourire amer passa sur ses lèvres. « Enfin... enfin, dit Felton, enfin qu'a-t-on fait ? Enfin, un soir, on résolut de paralyser cette résistance qu'on ne pouvait vaincre. Un soir, on mêla à mon eau un narcotique puissant. Oui, c'était une prison, car j'essayais vainement d'en sortir. Je sondais tous les murs afin de découvrir une porte. Par tous les murs rendirent un son plein et mat. Pendant ce temps, la nuit venait rapidement, et avec la nuit, mes terreurs augmentaient. Tout à coup, le cri d'une porte qui tourne sur ses gonds me fit tressaillir. Un globe de feu apparut au-dessus de l'ouverture vitrée du plafond, jetant une vive lumière dans ma chambre, et je m'aperçus avec terreur qu'un homme était debout à quelques pas de moi. Cet homme était celui qui me poursuivait depuis un an, qui avait juré mon déshonneur, et qui, aux premiers mots qui sortirent de sa bouche, me fit comprendre qu'il l'avait accompli la nuit précédente. « La femme !» murmura Felton. « Oh oui, l'infâme !» s'écria Milady, voyant l'intérêt que le jeune officier dont l'âme semblait suspendue à ses lèvres prenait à cet étrange récit. Je bondis vers la table, je saisis un couteau et je l'appuyai sur ma poitrine. « Faites un pas de plus, lui dis-je, et outre mon déshonneur, vous aurez encore ma mort à vous reprocher. » Sans doute il y avait dans mon regard, dans ma voix, dans toute ma personne, cette vérité de geste, de pose et d'accent qui porte la conviction dans les âmes les plus perverses, car il s'arrêta. Et je me retrouvai seul. Je passai la nuit sur une chaise, tressaillant au moindre bruit. Ce couteau, c'était tout mon espoir. « Dites-moi donc quel était cet homme ? » s'écria le jeune officier. Milady vit d'un seul regard tout ce qu'elle inspirait de souffrance à Felton, en pesant sur chaque détail de son récit. Mais elle ne voulait lui faire grâce d'aucune torture. Plus profondément elle lui briserait le cœur, plus sûrement il la vengerait. Mais en prenant ce couteau, Felton, une idée terrible me vint. J'ai juré de tout vous dire et je vous dirai tout. Je vous ai promis la vérité, je la dirai, dût-elle me perdre. L'idée vous vient de vous venger de cet homme, n'est-ce pas ? S'écria Felton. Eh bien oui, dit Milady. C'est de cette pensée homicide que je porte aujourd'hui la punition. Continuez. « Continuez, dit Felton, j'ai hâte de vous voir arriver à la vengeance. Oh, je résolus qu'elle aurait lieu le plus tôt possible. Je ne doutais pas qu'il ne revînt la nuit suivante. Dans le jour, je n'avais rien à craindre. Le soir vint pendant l'obscurité, mon souper fut servi, puis la lampe s'alluma et je me mis à table. Après le souper, je donnais les mêmes marques d'engourdissement que la veille, mais cette fois, j'avais retrouvé mon couteau sous l'oreiller. Et tout en feignant de dormir, ma main serrait convulsivement la poignée. Enfin, j'entendis le bruit si connu de la porte qui s'ouvrait et se refermait. J'entendis, malgré l'épaisseur du tapis, un pas qui faisait crier le parquet. Je vis, malgré l'obscurité, une ombre qui approchait de mon lit. Alors je réunis toutes mes forces. Je me rappelais que le moment de la vengeance, ou plutôt de la justice, avait sonné. Je me ramassai sur moi-même, mon couteau à la main. et quand je le vis près de moi, alors, avec le dernier cri de la douleur et du désespoir, je le frappai au milieu de la poitrine. Le misérable, il avait tout prévu, sa poitrine était couverte d'une cotte de mailles. Le couteau s'émoussa. « Ah !» s'écria-t-il en me saisissant le bras et en m'arrachant l'arme qui m'avait si mal servi. « Vous en voulez à ma vie, ma belle puritaine. Allons, allons, calmez-vous, ma belle enfant. Je ne suis pas de ces tyrans qui gardent les femmes de force. Vous ne m'aimez pas. J'en doutais avec ma fatuité ordinaire. Maintenant, j'en suis convaincu. Demain, vous serez libre. » Je n'avais qu'un désir, c'était qu'il me tuât. « Prenez garde, lui dis-je, car ma liberté, c'est votre déshonneur. Oui. » Car à peine sorti d'ici, je dirai tout. Vous êtes bien haut placé, milord, mais vous tremblez. Au-dessus de vous, il y a le roi. Au-dessus du roi, il y a Dieu. Alors vous ne sortirez pas d'ici, dit-il. Bien, bien, m'écriai-je. Alors le lieu de mon supplice sera aussi celui de mon tombeau. Bien, je mourrai ici et vous verrez si un fantôme qui accuse n'est pas plus terrible encore qu'un vivant qui menace. On ne vous laissera aucune arme. Il y en a une que le désespoir a mise à la portée de toute créature qui a le courage de s'en servir. Je me laisserai mourir de faim. Écoutez, dit-il, je vous donne encore le reste de cette nuit et la journée de demain. Réfléchissez, promettez de vous taire. La richesse, la considération, les honneurs même vous entoureront. Menacez de parler et je vous condamne à la famille. Vous, m'écriai-je, vous, à la famille éternelle. Ineffaçable. Ah, laissez-moi, lui dis-je, sortez si vous ne voulez pas qu'à vos yeux je me brise la tête contre la muraille. C'est bien, reprit-il, vous le voulez, à demain soir. Felton s'appuyait sur un meuble, et Milady voyait avec une joie de démon que la force lui manquerait peut-être avant la fin du récit.